Sensation. En parlant de sensations, je vais vous annoncer bientôt, donc tout de suite même, le menu de la conjuration des fourneaux de demain midi, puisque je vais bientôt aller me coucher afin de pouvoir être en forme pour ne pas trop foirer les plats que je vais vous annoncer. Donc, eh ben ça, c'est sympa, pour ça. Demain, voilà, on appelle ça un peu une conscience professionnelle. Bien que t'en aies, parce que moi j'en ai pas trop. Business school. Je me lave toujours les mains après être allé aux toilettes aussi. Et avant ? Avant, non. Allez, le menu. Demain, en entrée, vous aurez un velouté de carottes au curcuma et au jus d'orange. Mmh. C'est vegan. Ensuite, vous aurez en plat, premier plat de choix avec de la viande, une quiche au lardon et aux pommes de terre, accompagné de salade, ou bien, deuxième choix, végétarien, un cake aux épinards et à la ricotta, accompagné aussi de salade. Et en dessert, vous aurez un gâteau au chocolat et au potiron. Miam miam! Yummy! Potiron en provenance de la ferme de Lauzeray. Exactement. Et oui, ça cultive sec là-bas. C'est ça qu'on veut. D'ailleurs, la ferme de Lauzeray, Albin, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu. Mais qu'est-ce donc ? Qu'est-ce quoi ? Qu'est-ce pour qui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, la ferme de Lauzeray. La ferme de l'oseille, tu veux dire ? Pas du tout. On n'est pas. Non, le seul endroit où il y a de l'oseille, tu le sais très bien, c'est à la conge. Te la ramène pas trop. Allez, on en profite pour souhaiter un bon courage à Libou et une bonne nuit. Bon courage, Libou. Bonne nuit. Merci à toi d'être resté avec nous. Du coup, la ferme de Lauzeray, c'est une ferme collective donc à une trentaine de kilomètres de Rouen. On y fait pousser toutes sortes de légumes. Est-ce que tu peux me dire où c'est situé exactement, Albin, pour que nos auditeurs qui veulent s'y rendre puissent s'y rendre assez facilement ? La zone marécageuse. Pour tous les auditeurs plateau, qui voudraient s'y rendre, les visites impromptues se font le jeudi. C'est au 799 rue du Vivier à Berville-sur-Seine. En venant de Rouen, il faut emprunter le bac. Vous verrez, c'est super cool. Une voiture sur un bateau. Hey, attends, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Et vous pouvez venir. C'est. Tu l'as eu ou pas ? Ah, moi je l'ai passé à la bouille le bac. Franchement je l'ai eu hein. Oh putain, avec mention. Et je l'ai eu à l'heure. Voilà, vous pouvez venir nous aider à cultiver toutes sortes de fruits et légumes. Mais surtout vous pouvez nous aider à faire la bootlegger, la bière locale qu'on est actuellement en train de boire dans les studios. Bootlegger every time everywhere. Grosse dédicace à Pedro d'ailleurs qui est absent là, qui est parti se coucher parce qu'il était fatigué. Kingu one. Kingu number one. Et donc voilà, donc nous on travaille là-bas, on est ravis d'accueillir des gens, effectivement, on est aussi ravis de ne pas accueillir des gens et que vous nous laissiez tranquilles. Ça dépend des fois, ça dépend des humeurs. Et donc Albin, tu nous dis que tous les premiers, tous les jeudis, on peut se rendre là-bas pour filer un coup de main et passer un moment convivial. Effectivement, on passe des super moments le jeudi et c'est ambiance travail bon enfant. Il y en a pour tous les niveaux. Nous avons par exemple une personne, comment dire, un ouvrier non qualifié qui vient tous les jeudis. C'est quelqu'un de très régulier, sauf quand il part en vacances à l'autre bout du globe. Et j'ai nommé Benny ici présent, notre ingénieur en repos. A.K.A. Quincy Benny. Quincy Benny. Benny from the block. Benny in the place. Voilà, mais vous n'avez pas besoin de venir de manière régulière, vous pouvez venir de manière ponctuelle. Et c'est bon enfant. C'est très bon enfant, vous serez très bien accueilli, très bien nourri. Et on fait quoi si on vient le jeudi ? C'est quoi le programme ? Si on vient le jeudi, c'est quoi le programme ? C'est évidemment faire toutes sortes de travaux dans les champs. On fournit les bottes, bien entendu. Et sinon, ça peut être faire de la bière le soir, tous les jeudis soirs. Ça, c'est sympa. C'est des soirées jeux de société. Excellent. Animées par Bainey. Bainey, Bainey. Décidément, il est toujours là. Mais comment fait-il ? Est-ce qu'il dort, cet homme ? Cet homme ne dort jamais. Ok, Michel. Eh bien, grosse dédicace à la ferme de Lauzeray. N'hésitez pas putain, à passer. Putain, les mecs, ils gèrent, faut y aller. Tous les jeudis, si vous voulez filer un coup de main. Et puis, c'est sympa même pour montrer aux gamins à quoi ça ressemble une courgette ou une carotte. Et si on veut, manger votre production, comment on s'organise ? Ah oui, comment on s'organise pour manger notre production ? Alors, soit vous venez déjà le jeudi, vous serez ravis de repartir avec vos petits légumes, une quantité libre au choix. Toute votre famille ou simplement votre repas du soir. C'est pas négligeable. Sinon, vous pouvez venir acheter nos légumes sur la place Saint-Marc le samedi matin. Ah, donc, sur le marché ? Sur le marché, ouais, effectivement. Excellent. On a un petit stand de marché voilà, sur la place Saint-Marc. Et sinon, vous êtes un pote, vous avez des légumes. C'est aussi simple que ça. Excellent. C'est la bonne ambiance ou quoi ? Eh bien, écoute, ça me paraît être une ambiance assez bonne. Et puis, à l'heure où on mange que de la merde aujourd'hui, pourquoi pas d'aller cueillir ses légumes et filer un coup de main aux copains ? Bah oui, filer un coup de poing, ça Michel. Coûte pas bien cher. Eh ben c'est oui. La bonne ambiance, ça me donne envie d'écouter de la musique. Et comme dira l'autre, quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. C'est grave dans mes prix. Alors Michel, est-ce qu'on a gratos ? C'est bon, gratuit. J'ai la playlist sous les mains. J'ai envie de demander à Angèle de choisir le prochain son. C'est le moment. Qui n'est pas coché sur la playlist. Est-ce que c'est... Alors, actuellement, il reste une quinzaine de sons, elle a le choix. Bon, on pourrait okay. Quand même, pendant qu'Angèle est en train de faire son choix, combler un peu. Donc, moi, déjà, je voulais vous questionner un peu, les gars, cette playlist. Mais dites donc, elle est sacrément orientée. Il y a une ligne directrice qui est claire, qui est nette, qui est précise. Alors, est-ce que carrément. Vous pouvez nous en parler ? Alors, c'est le fruit d'un long travail, un travail de longue haleine, j'ai envie de dire, qui a commencé aujourd'hui à 16h30. Eh ouais, jusqu'à au moins 18h. Voilà, le temps de se faire trois cafés, de commencer à y penser. Après, j'avais pas de stylo, il fallait trouver un stylo. Première bière. Tout ça. C'était pas frais. Mais au final, frigo, au final, mine de rien. Perte de temps monumentale. Quoi. C'est quand même que des sons. Ouais. Que depuis, je sais pas, 2 ans, ouais. On va dire à peu près. Bon, ça serait peut-être quasi l'influence Groupe Fantôme, j'ai envie de dire. On les écoute quand même un peu, ces morceaux. Donc, ça, je crois qu'Angèle a fait son choix. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tout. Il y a de tout et Angèle peut choisir. Mais oui, oui. On va partir avec les Strokes et le Machu Picchu. Ouais. Le sommet. Courage. Restez les meilleurs. Ah ben, toujours. Merci. Salut le groupe Spectre. I'm just trying to find Bootlegger, the best way, beer, anywhere, anytime. Ok, merci pour ce lancement. Et donc, c'était les Strokes avec le morceau Machu Picchu, pour ceux qui veulent réécouter éventuellement chez eux. Melette, Machu Michel. Picchu, c'est le truc de Bobo, vacances, tout ça là. Non, Machu Picchu, non, c'est le Pérou, effectivement. Non, faut quand même grapper comme un enculé pendant 4 heures. Qui a été transformé en truc de touriste à pute. Michel, donc, sujet suivant, parce que groupe fantôme, c'est la mode, mais c'est aussi l'esthétique. C'est l'esthétique, et l'esthétique, des fois, c'est au-delà des vêtements. On a déjà parlé des vêtements, voilà, les imprimés, tout ça, le message. Mais derrière le message, que se cache-t-il ? Que se cache-t-il ? Quelle pilosité ! Exactement. Et là, on est dans un crossover. On avait déjà abordé le froufrou dans une émission précédente. Tout à fait. Le crossover épisode. On est parti derrière la mode. Sur le corps, dans les profondeurs que de la mode, fais-tu de tes poils? Tout à fait. Et je lance le sujet suivant qui me permet d'introduire notre nouvel invité qui allons-y nous a rejoint. Allons-y. Un warrior de la night, un homme qui n'a peur de rien. Est-il encore utile de le présenter, Michel? Mais non, mais le mec, il vient de se lever, il s'est fait un petit déjeuner breakfast English. Yes, à base de lentilles corail. À base de lentilles corail. Et oui. Et il va pouvoir nous parler glabite pour ou contre. Glabite pour ou contre, Benny? Alors c'est la bite glabre, c'est tout ça, à fait, Benny. Donc c'est, est-ce que, mais alors vas-y, et Mathias qui est en face de moi pourra peut-être me répondre. L'idée c'est, est-ce que je me rase, est-ce que on se raserait les plutôt les testicules du coup, parce est-ce qu'il y a que, peu de poils sur le. Est-ce que l'esthétisme va jusqu'au glabite On va une intégrale, ouais, ça part du pubis jusque. Et là je demande justement où est-ce que ça s'arrête. Jusqu'où va-t-on? Dans l'autre sens, tu vois. Autant au pubis, jusqu'où va-t-on? Je vois où ça s'arrête. Mais dans l'autre sens, donc en fait, si quelqu'un, et j'en appelle au Facebook, si quelqu'un a un témoignage. Tout à fait. Tu commences au pubis. Tu commences à ratiboiser. Tu vas, bon, tu passes sur. On va rappeler quand même le Facebook. Tu arrives sur le scrotum. Et après, tu t'arrêtes où? Jusqu'à l'arrêt des fesses, je dirais. Donc tu remontes en total. Mais la totale. Et du coup, tu creuses, je veux dire, enfin, ou tu restes en surface. Au niveau du couloir, est-ce que tu fais quelque chose ou tu t'arrêtes à l'orée du. Non, les du gars, vous avez brûlé les étapes du débat. Le vrai débat, c'est est-ce que les hommes ont le droit de s'épiler ou est-ce que. Non, le vrai sujet, c'est. Non, c'est ça le débat. Le vrai sujet, c'est pas est-ce que les hommes ont droit. Je non, suis désolé, en fait, les gars. Il faut on la vie d'une femme. On ne peut pas interdire de se raser la bite. Bah, stop, oui, c'est vrai. Je veux la vie d'une femme. La question, c'est glabite. Hypothèse. Glabite. Tu sors de boîte, tu rentres dans la chambre avec le mec. Le mec, il arrive. D'une bim, femme ou d'un mec qui aime les mecs. Oui, bien ou sûr. D'un mec qui aime les mecs, excusez-moi. Et donc, bim, il arrive, il se dessape, il est glabite. Réaction. Réaction à chaud. Oui, réaction d'un mec qui aime les mecs. Alors, il y a quelques mois. Réaction d'il y a quelques mois. Ouais. Non, j'aime pas. Il faut des poils, c'est bizarre, c'est pas bien, ça va pas. Réaction aujourd'hui, là, tout de suite. C'est bon, c'est une bite, quoi. Ouais, voilà. Faut y aller quoi. Si t'es en hiérarchie, tu prends. Normal. Le fameux truc, une bite n'a pas d'œil. Avec ou sans poils, ça reste la même chose. Mais est-ce chose. Qu'une bite si a, des cils, plus. A-t-elle des cils? Mais est-ce que l'esthétisme est vraiment important? Doit-on se glabiter? Mais ou je, ne pas se glabiter? Je me demande si les gens qui se glabitent, comme vous dites, le font pas tant pour des raisons esthétiques, j'ai l'impression que pour des raisons de peut-être de sensation ou de. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui se joue là-dedans. T'es peut-être un peu plus, alors moi, plus aérodynamique. Je pourrais peut-être apporter un témoignage qui pourra servir à nos auditeurs. Je me suis moi-même glabité à une époque de l'été, pensant être styly, pensant être swag. Ah, parce que t'allais sur des plages un peu. Et messieurs. C'est ça, hein. Non, mais tu peux le dire. T'allais sur la plage là. Oui, mais là, à ce moment-là, j'étais pas glabite. Ah, non, à ce moment-là, je n'avais plus de questions de pilosité. Alors vas-y. Du coup. Alors donc, le glabite, non. Parce non. Que glabite, ça fait extrêmement mal à la repousse. Si vous aimez les boutons infectés, si vous aimez avoir un espèce de terrain vague à la place du pubis. N'hésitez pas, mais non, le glabite, surtout pas. C'est des infections, c'est la difficulté de la repousse. Même si on casse la fibre avec une pierre ponce, ça repousse toujours mal. Donc le glabite, non. Faut y alors, penser à deux fois. Tout à fait. Albin avait envie d'intervenir sur ouais, cette question. D'intervenir, le pubis. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Moi, j'ai plusieurs choses à dire. J'ai déjà. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Les poils du pubis, qui sont très très longs, des fois peuvent se coincer dans le prépuce. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est assez. Douloureux. Assez douloureux, assez perturbateur. Donc, vaut mieux entretenir tout ça. Après, le glabite ou pas. Non, moi je suis plutôt pas glabite du tout. Pour l'esthétisme, effectivement, pas glabite. Tout à fait. Par contre, j'ai déjà essayé le rasage des couilles et c'est extrêmement doux. La peau des couilles rasée, il faut le souligner, est extrêmement douce. Tout à fait. Très agréable au toucher. Tant mieux si t'as des caleçons en soie. Ah. Michel, tu as des caleçons en soie ? Non, mais j'ai des shorts de foot en nylon et ça fait un peu le même effet. Il y a des gens au fond du bois qui savent de quoi je parle. Mathias, pour ou contre le glabite ? Bah, je dirais que à 15-16 ans, oui, mais après, à un moment donné... Une fois qu'on a connu la repousse difficile... Quand on a connu la repousse difficile... C'est difficile de s'y remettre. Mais pour pas être stigmatisé, le glanus... Le glanus, alors ça personnellement je n'ai jamais essayé. Franchement, moi j'ai pas du tout envie d'essayer. C'est un peu compliqué. Mais je me demande encore une fois pour quelle raison en fait. C'est, ça peut pas être forcément esthétique. Tu n'aurais pas forcément l'arrêt écarté. Peut-être l'hygiène. Ça peut être esthétique tout simplement pour ressembler à ce qu'on voit dans la plupart des pornos. Moi je. Le glanus, moi je vois une raison très. Non, pas hygiène, mais très, enfin, qu'on peut souligner et qui va rebondir sur ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est froufrou. C'est possible, très très très très possible d'avoir des froufrous en haut de l'arrêt. Mais alors voilà. Dans ce cas-là, Albin, comment opérer? Tondeuse, bande de cire, ciseaux. Je sais pas parce que moi, je me suis résigné à avoir des froufrous parce que ça me fait peur, tout simplement. Effectivement. Pour entretenir avec un petit coup de ciseau de temps en temps, et puis c'est tout. Quoi. À tous nos auditeurs, si vous avez des témoignages sur l'épilation de l'arrêt à la bande de cire, n'hésitez pas à envoyer vos messages sur Web Radio Crochet, le Facebook. Radio Libre. Et donc, nous enchaînons avec le prochain morceau. C'est une dédicace à Lupi, aka Lupita, aka Maria Maria. Morceau Elephants, come on, mother. Fucker. Non, il n'y a pas motherfucker dedans. I get some bruises on my shirt, I'm down. I've no connection on my brain cells. Morning is broken, I see parts of town. And broken glasses on the ground, well. What is it doing, babe? I can't tell. I feel a loss, I feel stuff don't go well. Before, yeah, before you say, I feel so little when we talk about that. Wake up, here come the light. Lovers, come on, come on. Your face is all scary. Your face is all scary. I get some odor in my face right now. Your words are crying from a poster. There's a conundrum, we don't solve it now. Unless you do try and forget it. What did you leave me for? I can't tell. Some kind of vision tricks drove us to hell. Slice species from every pore. And over time we'll all get used about that. Wake up, here come the light. Come on, your faces are scary. Your faces are scary. Faces are scary. We have to. chiottes, quoi. Moi, mon expérience personnelle, c'est que ça m'arrive de prendre soin de ma pilosité du caleçon. Mais dans le débat, ce que j'ai pas bien compris, c'est... on a tous envie que notre nana elle soit d'une certaine façon, et puis on était en train de, d'avoir le débat, est-ce que nous on doit s'occuper de notre caleçon là, mais et les femmes dans tout ça, quand tu parlais de tes poils infectés, je sais pas quoi, mais tu crois que depuis qu'elle a 12 ans, ta copine elle a pas les poils infectés, et elle fait des soins, elle fait ce qu'il faut, moi pour moi le vrai débat il est là. Et pour répondre à ta question sans froid, non, je ne pense pas que ma nana depuis 12 ans ait les poils infectés. Mais on lui demandera, mais non, on manque de témoignages. Je pense que par rapport à ça, c'est pas une question d'exigence envers les autres. C'est, là, on parlait d'exigence envers soi-même. Est-ce que tu tiens à avoir une certaine, une certaine esthétique pour l'été, tout simplement. Mais au-delà de l'esthétique, pour le coup, en fait, c'est ça qui est intéressant sur l'histoire de l'épilation. C'est que nous, quand on discute entre garçons, on va dire... on peut parler de ça soit en riant, soit en disant oui, c'est une question esthétique, parce qu'on n'a pas de pression sociale en soi. Effectivement, on se dit personne n'a à juger ce qu'il y a dans notre pantalon, mis à part éventuellement notre compagne, peu importe son au foot, genre. Mais au final, même pas. Mais alors que la question de ce qu'il y a dans la culotte des filles et de sa tenue, ça, par contre, c'est sur la scène publique et tout le monde a son petit avis là-dessus. Je pense que c'est ça quand même qui est l'espèce de grosse différence et qui fait que le débat est pas du tout le même là entre nous. Voilà. Oui, c'est une petite musique qu'il a mis de fond, c'est volontaire, oui, c'est je pas crois. Mal. Oui, c'est pas mal. J'apprécie aussi cette ambiance 8 bits. C'est la technicité du sang-froid. Voilà, je sais pas s'il y a grand chose à rebondir là-dessus, c'est surtout ça qui est important. Non, je pense que le glabit c'était un sujet un peu amusant et puis histoire de parler de nos expériences. Mais moi, apparemment, si je suis le seul à avoir été glabité. Si moi je rebondis, le glabit est évident quoi. Parce que moi quand ma copine ça lui arrive d'être sauvage, ça me fait plaisir, mais quand elle s'entretient, ça me fait plaisir aussi. Moi c'est pareil. Ça dépend des moments, mais ça me semble évident que. Je trouvais ça intéressant quand tu disais tout à l'heure, Angèle, par rapport à la reproduction d'un stéréotype qu'on aurait vu dans un média ou un autre. Mais il y a aussi la reproduction du plaisir que moi je peux prendre avec ma nana, tu vois, par exemple, ou avec n'importe quelle nana, de n'importe qui peut. Bon, bref. Et que tu peux te dire, c'est vrai que ma nana, ce jour-là, elle avait pris soin d'elle, c'était agréable. Si je prenais soin de moi pour essayer de d'avoir cet effet miroir, de rendre moment. Mais ce qui est encore intéressant dans la manière dont tu présentes le truc, c'est que tu dis « elle prend soin d'elle », ça veut dire que les moments où elle s'épile pas, ça veut dire qu'elle prend pas soin d'elle et donc pas soin de toi. Enfin, il y a une espèce de truc qui est, encore une fois, autour de l'épilation qui est assez spécial. Il y a plein de nanas qui refusent de s'épiler et ça veut pas dire que ni elles ne se respectent pas ou ni elles respectent pas leurs compagnons. C'est juste que... C'est vrai qu'il peut y avoir aussi une espèce de pression sociale qui fait que, avec l'image de la pub, des magazines, des clips de rap, et que sais-je encore, qui pousse les nanas à une espèce de forme d'esthétisme non voulu et forcé, quoi. J'ai clairement une pression sociale par rapport à ça. Ça, c'est sûr que c'est une pression sociale que tout ce qui peut arriver par rapport à la femme et à ce qu'elle va faire dans tous ses soins, comme tu disais, ses soins, c'est pas du soin, c'est pas ça, c'est juste quand toi tu te laves, tu parles pas de soins par rapport à ce que tu fais, c'est juste que tu te laves et c'est pas parce que tu vas te glabiter ou je sais pas quoi que... Mais c'est vrai que c'est pas forcément un gage d'hygiène en fait quoi. C'est plus dans l'image quoi. J'ai deux objections claires. Moi je suis anti glavulve. Premièrement, première objection c'est que... c'est un avis personnel, c'est que le glavulve me donne l'impression de faire l'amour à des enfants. C'est assez dérangeant, premièrement. Et deuxièmement, c'est un fait plus scientifique, c'est que si j'ai bien appris mes leçons scientifiques, la pilosité chez les femmes, je sais pas si c'est vrai chez les hommes, mais j'imagine que aussi, La pilosité chez les femmes participe à un équilibre microbien qui permet d'éviter des herpès. Qui permet d'éviter des herpès à cet endroit-là. Du coup, au final, les poils pubiens sauveurs. Et bien voilà une explication parfaitement scientifique. Putain, le mec a relevé le débat, mais façon Jean Gaffier. Ouais, grave. Tu sais, le mec a 10 ans de moins que nous. La barre à 6 mètres. Il a défoncé le débat, tu sais, tranquille, quoi. Non, mais les mecs, c'est une question d'hygiène, en fait. T'sais. Si t'as des poils, c'est normal. Alors, du coup. Voilà, au bout de, alors, de 100 millions d'évolutions. Évolution. Et alors, moi, ça m'intéresse, parce que moi qui possède une barbe de viking, ça m'intéresse bien, ça. Bah, l'évolution a voulu que t'aies une barbe. Alors, pourquoi on se la coupe ? Est-ce qu'on se coupe la barbe par esthétisme ou par, par nécessité ? J'aurais comme une espèce de conclusion ultra bizarre sur le... Alors, gla, comment vous avez appelé ça ? Glabite. Bah, au final, ma conclusion, ce serait... Vu l'intervention d'Albin, je me rends compte que je ne connais pas la définition de ce mot-là. C'est-à-dire se faire vraiment la totale, raser à mort. Glabre, raser. Glabre de la bite. Ah d'accord, ok. Glabre de la bite. Au gage concret. Moi, mon débat était plutôt effectivement porté sur le droit de faire attention, mais sans non plus avait été une... Non, on parle bien de raser. Oui, quoi. C'était vraiment mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était parti sur ce sujet qui était complètement... La pratique extrême. C'est un peu le mode skinhead. En fait, c'est un peu le skinhead du... Skin beat. J'ai envie de dire, là on a expérimenté les tréfonds de la radio libre. Je pense que vous avez tous vu avec nous de quoi ils pouvaient retourner. Et du coup, j'ai envie de partir sur un Black Tiger Sex Machine. Sex Machine. Histoire de mettre un peu de pulsion, quoi. Sex. Là, ça part direct dans du gros son, quoi. Ah. C'est parti pour l'ambiance, motherfucker. Here, everything is regulated by machines. You'll find that things are very different here. I'm gonna go get some more. rappelle-moi ce qu'on écoutait vite fait là pour les auditeurs, ce que j'ai oublié. Broken Machine de Tiger Sex Bomb Motherfucker. Ok. J'ai une annonce à faire. Ah, fais ton annonce. J'ai pécho 2D dans la boîte de risque. Donc à la fin de cette émission, il faut absolument remettre les dés dans la boîte de risque. Évidemment. Parce que c'est vraiment un truc d'enculé de ne pas remettre les dés dans les boîtes d'un jeu, tout c'est ça. C'est pas sympa. C'est vrai. Voilà, c'est annoncé. Maintenant, directement, sans transition, la chronique d'Albin. Ok, alors, petite chronique piraterie. Alors, pour tous mes pirates de la ville, une astuce ce soir que vous est dévoilée pour pouvoir, comment dire, augmenter votre potentiel de déplacement en ville. Aha. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de la soirée quand vous êtes trop rebou et que vous voulez rentrer chez vous? Il n'y a plus de transport, il faut marcher des heures. Si votre MP3 déconne, eh bah, il faut trouver un moyen de transport vite. Moyen de transport vite, écolo. Il y a des stations de Vélib qui sont partout dans nos villes, que ce soit à Paris ou en province. Nick Deco. Comment réussir à prendre un vélo, bien évidemment, sans le payer, parce qu'on ne va pas leur donner des thunes. On va à niquer Deco. C'est la question. Voilà. Alors, comment niquer Deco ? Avant de, voilà, je disais à Paris ou en province, mais non, en fait, pour les Parisiens, ça ne marche pas, car vous n'êtes pas chez JC Deco pour vos vélos. Ah, niquez-vous, c'est pas pour rien qu'on vient foutre le sbeul tous les samedis depuis 3 semaines chez vous. Et oui, ça vous fait la bite. Bande de bolosses. Voilà. Et du coup, pour mes provinciaux, par contre, ça marche très bien. Donc l'astuce que je vais vous donner à Toulouse, à Rennes, à Nantes, à Rouen, à Grenoble, à Dijon, il me semble, et d'autres. C'est tous les vélos à louer, du coup, les Vélib, qui sont sous-traités par JC Déco. Mmh. Tous les JC Déco. Alors, vous avez votre vélo qui est devant vous, il est accroché à une borne. Vous avez beau tirer dessus comme un malade, le vélo ne vient pas. Vous mettez des kicks, vous vous faites mal aux pieds car vous n'avez pas de pompe de sécu, malheureusement. Et alors, comment vous faites? À ce moment-là, il faut être un peu outillé. Un peu outillé, ça peut être un simple tournevis, un petit pied de biche ou même de la récup, les trucs qui, les espèces de barres en métal qui maintiennent les barrières de chantier. Ça c'est très plus bien. Du vol fortuit, quoi. Je me balade voilà, avec un pied de biche là quand même. C'est voilà, c'est. Tu trouves un truc de chantier. Une barrière de chantier, voilà. Michel. Un peu une barrière de chantier. Il faut un truc un peu fin, voilà, qui fait d'accord. Pas plus de, Dis-nous. Qui fait pas plus de 3 mm d'épaisseur et sur 5 cm, quoi. C'est. Ton corps est une barrière de chantier. C'est assez simple à trouver dans le décor urbain. Vous prenez donc cet outil et vous allez vous passer de l'autre côté de la borne, là où le vélo n'est pas attaché. Il y a une espèce de plaque en métal qui maintient la borne. Donc il y a une serrure. La serrure, vous ne pourrez évidemment pas la forcer. Elle est au-delà de nos capacités. Vous prenez donc votre outil. Change ta voix quand tu racontes ça. Vous prenez votre outil et vous allez le placer au niveau du côté, en haut, et forcer la plaque. Donc vous pouvez placer votre outil, s'il tient tout seul, vous mettez des gros kicks, sinon vous forcez très fort avec vos mains. La plaque va évidemment sauter au bout d'un moment. Ça peut être assez rapide ou assez lent, ça dépend des modèles. À Nantes, en général, c'est assez lent, à Rouen, c'est assez rapide. Donc, ensuite, vous accédez directement à l'intérieur du boîtier. Il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de boutons, beaucoup de machins. On s'en bat les couilles. Tout ce qui compte, c'est en haut. Il y a un gros piston, un gros cylindre. Qui fait 10 cm sur 10 cm, voilà, un gros cylindre. Vous le prenez, vous le pressez vers la gauche de 1 cm, ça fait clic, et votre vélo est libéré. Vous pouvez rentrer chez vous, tranquillement. Comme vous êtes un éco-citoyen, la technologie, comment tu l'as bien merdé. Comme vous êtes un éco-citoyen, vous, une fois votre trajet effectué, vous prenez votre vélo et vous le remettez dans une borne, il se clipsera et il ne sera jamais perdu. Voilà. Oui, oui, JC Deco. Personne ne se rendra compte qu'un vélo a été perdu, peut-être une plaque forcée, c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, on rend le vélo parce que... Et parce Albin, voilà, on est des pirates, mais on n'est pas des bandits. Et comme la tradition le dit, quand c'est gratuit... C'est dans mes prix. Quand c'est gratuit, c'est pas cher. Eh bien, nous remercions Albin pour cette technique. C'était les bons plans d'Albin à retrouver chaque dimanche soir entre si minuit et 4h du mat. Si vous voulez plus d'astuces, vous pouvez suivre la page Facebook Service à domicile qui sera ravie. C'est une équipe très... voilà, moi j'ai chopé ça là-dessus, hein. Je ne suis pas l'inventeur de cette technique. C'est une grosse équipe qui balance dynamique plein, et motivée. Dynamique et motivée. La piraterie n'est jamais finie avec eux et ils balancent plein d'astuces. Allez voir sur Facebook. C'est bon, ça, service ouais. à domicile. Redonne, les... ouais. Redonne le truc là, j'ai pas bien entendu. Service à domicile. Aussi simple. C'est, simple. Okay, c'est aussi simple. Tu peux pas te retrouver avec un mec chelou qui sonne chez toi, non ? Bonjour. On n'incite pas, à commettre des vols. Hein. Rendez les vélos. Bien sûr. Rends le vélo, enculé. Rends-le. Niquez Deco, ça fait plaisir. On remercie JC Deco et sur ce, nous tournons la page de pub pour le mobilier urbain. Et nous allons passer au son suivant. Alors écoute, moi je suis en train de m'en faire un petit et je me dis que ça ira bien avec Planet Hemp, Mary Jane, you know, mother. Come on. C'était le lancement le plus long d'histoire.